sois loué. Assis sur ton trône, sois loué, éternel. Mon Dieu, sois loué. Qu'il neige, qu'il vente, le jour tout comme la nuit. Tu es Dieu, tu ne sens aucun. Assis sur ton trône, sois loué, éternel. Mon Dieu, sois loué. Ta grâce, ta bonté, ta miséricorde, ton amour dure à toujours. Assis sur ton trône, sois loué, éternel. Mon Dieu, sois loué. Dans les cieux, sur la terre, sous la terre, nul n'est comparable assis à toi. Assis sur ton trône, sois Dieu loué, de mon salut, éternel. Mon Dieu, sois loué. Hosanna, alléluia, hosanna, alléluia, hosanna, toi l'agneau de Dieu. Le passé du monde, tu m'as racheté.